Depuis environ 60 ans, nous consommons de l'électricité produite dans les réacteurs à fission nucléaire. Pour faire tourner nos usines, recharger nos smartphones, faire bouillir nos nouilles, nous avons joyeusement produit entre 200 000 et 300 000 tonnes de déchets nucléaires au niveau mondial, plutôt encombrants, dont personne ne veut et dont aujourd'hui il faut bien faire quelque chose. Des organisations ont été mises en place dans tous les pays concernés pour résoudre le problème. En France, c'est l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et ce sont deux de ses représentants que nous recevons ce soir sur Podcast Science pour qu'ils nous racontent toute l'histoire. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2014 et c'est le dernier numéro de la quatrième saison, l'épisode 182. Bonsoir et bienvenue. Sommaire de cette émission, l'interview d'Annabelle et Guillaume, par Alan, le pitch de la rentrée, la quote de la semaine et quelques plugs. Et pour réaliser cette émission, nous avons avec nous donc Annabelle Quenet et Guillaume Cochard de l'ANDRA. Ils sont à Paris. Bonsoir tous les deux, bienvenue. Bonsoir. On devait avoir Irène à Santa Barbara, mais je ne sais pas, elle va peut-être nous rejoindre en cours de route. On n'arrive pas à l'entendre. On a Robin à Paris. Salut Robin. Salut. Robin qui sourit à la radio. Non, parce que j'arrivais plus à atteindre le mute. Ok. Et puis moi-même, Alan, en direct de Lausanne. Nico est excusé, il est dans un train, donc il ne peut pas être des nôtres. Il s'en veut beaucoup, mais bon, c'est la vie. Donc, trêve d'introduction, je propose qu'on passe tout de suite à l'interview d'Annabelle et Guillaume. Donc, rebonjour Annabelle et Guillaume, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'ANDRA ? Alors l'ANDRA, en fait, c'est un établissement public qui est chargé de mettre en sécurité de façon définitive tous les déchets radioactifs sur le sol français. Alors ces déchets sont produits par l'industrie, par la recherche, par la médecine, puisqu'il y a de nombreux traitements qui utilisent la radioactivité, par la défense, mais évidemment beaucoup, enfin en grande partie, par la production d'électricité d'origine nucléaire. Donc, qu'est-ce que c'est ces déchets ? La plupart sont issus de l'exploitation ou du démantèlement des installations. Donc, c'est des tenues, des outils, des gants, des ferrailles, des gravats. Parfois, il y a des objets de la vie courante, comme par exemple les réveils ou des paratonnerres qui sont radioactifs et que l'ANDRA récupère. Et tout ça, ça fait 90% de l'ensemble des déchets qui sont stockés donc dans des centres de stockage que gère l'ANDRA, dans la Manche et dans l'Aube. Oui, pour compléter la réponse d'Annabelle, et pour parler des 10% de déchets radioactifs restants, là il s'agit des déchets les plus radioactifs, les plus dangereux. D'entre eux, c'est des déchets qui ont des durées de vie de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'années. Et en fait, ces déchets-là ne peuvent pas être gérés en surface, et c'est pour ça que l'ANDRA prépare un projet de stockage à 500 mètres de profondeur. C'est ce qu'on appelle le projet CIGEO, qui, s'il est autorisé, pourrait implanter à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne d'ici quelques années. Et puis, pour une autre partie des déchets, parce que là, CIGEO s'occuperait des déchets de haute et moyenne activité à vie longue, c'est-à-dire les déchets issus du combustible usé. Et puis, une autre partie des déchets qu'on pourrait mettre à faible profondeur, ce sont des déchets qui sont issus d'activités historiques. D'accord, on reviendra en détail dans un instant sur les différents types de déchets. D'abord, moi, j'ai une question qui me démange. Je sais qu'elle vous gonfle, mais du coup, je vous la pose d'emblée, comme ça, ce sera fait. Vous êtes pour ou contre le nucléaire ? Alors, ça, c'est la question qui tue. On a chacun notre opinion, et d'ailleurs, Guillaume et moi, en l'occurrence, on n'a pas la même. Effectivement, la question nous gonfle parce qu'en fait, on nous ramène toujours à ça, et c'est pas tellement le problème. C'est-à-dire que de toute façon, qu'on soit pour ou contre, effectivement, les déchets, ils existent, qu'on les ait choisis ou pas, ils sont là, et il faut bien qu'on en fasse quelque chose parce que c'est nos déchets, et que c'est notre responsabilité de nous en occuper et pas de reporter ça à ceux qui viendront après, donc les fameuses générations futures. Donc finalement, on n'a pas à se positionner en tant qu'ANDRA, et puis c'est pas notre sujet, quoi. Ok, même sans le cloche du côté de Guillaume ? Tout à fait, hein, je suis d'accord avec Annabelle, bien que sur le fond du dossier, on partage des opinions différentes. Vraiment, nous, l'ANDRA, c'est gérer les déchets. Voilà, Ils ont été produits, c'est un héritage. Quels que soient les choix énergétiques faits par la France, il faudra gérer ces déchets. Donc on n'a pas à se prononcer sur les différents scénarios énergétiques. Ok, on peut donc ne pas être pour ou contre. Ça fait plaisir, ça me fait particulièrement plaisir. Je crois qu'Irène nous a rejoint dans l'intervalle. Bonjour Irène. Salut, bonsoir. Donc ça fait 60 ans environ, on l'a dit, que les premiers réacteurs nucléaires à usage civil sont en exploitation. Sauf erreur, c'était en 1957 en France pour le premier. Comme je l'ai dit dans l'intro, on estime qu'on a déjà produit entre 200 000 et 300 000 tonnes de déchets au niveau mondial. J'ai trouvé ça dans le reportage Into Eternity. Enfin, c'est un reportage, non, c'est plutôt un documentaire, Into Eternity. Et de ce que je comprends, c'est maintenant qu'on commence à chercher des solutions de stockage à long terme. Juste pour qu'on sache, on en a fait quoi de ces déchets jusqu'à maintenant? Ils sont où ces 60 ans de déchets, ces 200 à 300 000 tonnes? Alors en fait, les déchets dont parle Into Eternity, c'est une petite partie des déchets. Hein. C'est les déchets issus de la production du combustible. Donc d'autres types de déchets dans les années 60, 70, jusque dans les années 80 ont été immergés. On les mettait dans la mer, tout simplement, jusqu'à ce qu'il y ait un moratoire international sur cette solution. Aujourd'hui, c'est les déchets donc de surface, ils sont effectivement stockés dans les centres dont je parlais tout à l'heure, de l'Andra, dans l'Aube et dans la Manche. Les déchets les plus radioactifs dont parle Into Eternity et dont on va parler pas mal ce soir, les déchets de haute activité et à vie longue, ils sont entreposés en toute sécurité, donc dans des entrepôts, pour la France c'est l'usine Areva La Hague, en l'attente d'une solution définitive. Et cette solution définitive pour les déchets de haute activité, effectivement, sur laquelle travaille la France, mais la plupart des pays qui sont confrontés à une grosse problématique nucléaire, c'est le stockage profond que certains appellent enfouissement. Mais nous, on n'utilise pas ce terme-là parce qu'on le trouve un peu réducteur par rapport à l'ambition industrielle que se donne le projet, n'est-ce pas ? Et ce stockage profond, effectivement, le principe, mais on va développer, hein, c'est de les mettre dans une couche géologique profonde de manière à assurer le confinement de la radioactivité sur des échelles de temps très longues. Donc pour répondre à ta question, pour le moment, les déchets, en tout cas les plus radioactifs, sont entreposés en l'attente d'une solution définitive. Moi, j'aimerais bien compléter la réponse d'Annabelle et peut-être présenter une vue d'ensemble des déchets radioactifs français. Parce qu'en fait, dans Into Eternity, on parle de 200 à 300 000 tonnes de déchets donc issus du combustible usé. Mais en fait, en France, en tout, on a actuellement déjà produit 1,3 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Et donc, c'est pour ça, je pense que ce serait intéressant de voir un peu quels sont ces déchets. Alors, je ne sais pas, Alan, si on peut passer donc une image que je t'ai envoyée sur la classification des déchets radioactifs. On fait ça tout de suite. Oui, bah c'est gentil. Donc c'est un tableau. Alors je ne sais pas comment les auditeurs pourront le voir, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les déchets radioactifs en France sont classés selon deux grandes méthodes. La première, c'est leur niveau d'activité. Plus ils sont radioactifs, plus ils montent dans l'échelle. Et puis la deuxième, c'est leur durée de vie. Alors comme ça, donc on a tous les déchets radioactifs qui ont une période, c'est-à-dire la durée au bout duquel la radioactivité a été divisée par deux. Donc on les classe avec tous ceux qui ont moins de 31 ans d'un côté, de période, et tous ceux qui ont plus de 31 ans. Et donc les moins de 31 ans, on les appelle les vies courtes, et les plus de 31 ans, on les appelle les vies longues. Et puis après, il y a l'autre facteur, c'est l'activité. Donc on a ceux qui sont de très faible activité, ceux qui sont de faible activité, de moyenne activité et de haute activité. Donc là, on peut le voir dans le tableau. Et les déchets dont on parle dans Into Eternity, ce sont des moyennes activités à vie longue et des déchets de haute activité. Et alors là, ça m'amène à deux autres points, qui est la répartition de ces déchets par volume et en fonction de leur niveau d'activité. Là, je t'ai également envoyé deux camemberts. Le premier, c'est la répartition par volume des déchets radioactifs. Et là, on voit que l'essentiel des déchets radioactifs, de l'ordre de 97%, sont des déchets de très faible activité ou de faible activité. Et les 3% restants, ce sont les déchets dont on parle en Into Eternity, c'est-à-dire les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, les déchets les plus problématiques. Donc, ils représentent un très faible pourcentage. A contrario, si on regarde l'autre camembert, qui représente l'activité par type de déchets, on voit que 96% de la radioactivité est concentrée dans les déchets les moins radioactifs, et que 4% de la radioactivité est concentré dans les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Donc ces déchets-là représentent un très faible volume, mais une part très importante de la radioactivité. Voilà, ça c'était l'idée, l'idée importante à comprendre. Et que donc, pour 90% des déchets en volume, il y a déjà des centres de stockage en France, en surface, qui s'occupent donc de ces déchets. Et les recherches portent sur donc les déchets de haute activité, moyenne activité, en volume, c'est donc très faible. Voilà, donc des solutions industrielles pour l'ensemble, une grande majorité des déchets en volume, mais une très faible partie en activité, et puis des solutions à l'étude pour un petit volume, mais une grosse activité. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, et si les auditeurs peuvent voir les histogrammes, et, enfin les camemberts et les tableaux, ce sera plus clair. Ouais. Bon, on les voit bien, mais tu peux nous expliquer les camemberts parce que je suis un peu, ils sont un peu, il y a des codes que je comprends pas en fait. Alors, on va prendre le camembert avec du bleu là. C'est celui qui parle des niveaux de radioactivité par type de déchets. Donc en bleu, on a les déchets de haute activité qui concentrent 96% de la radioactivité totale des déchets. D'accord. Donc ce sont les plus radioactifs et ils en concentrent l'essentiel. En gris, on a 4%, c'est les déchets de moyenne activité, donc toujours ces fameux déchets issus du combustible usé. Donc on voit quasiment que 99,99% de la radioactivité est concentrée dans ces déchets. Et puis les 0,1%, c'est tous les autres déchets. C'est-à-dire les déchets de très faible activité, de faible activité à vie longue, de moyenne activité. Voilà. Donc 99,9% de la radioactivité, c'est les déchets issus du combustible usé. Et puis l'autre camembert, il dit, bon si je traduis, que en fait ces 99,99%, enfin 90% de la radioactivité, il représente un très faible volume. On voit si on a les autres le 0,2 plus le 3%, c'est-à-dire le 0,2 c'est ce qui est en bleu et le 3% c'est ce qui est en gris, donc 3,2% du volume. Donc on a 99,9% de la radioactivité qui est concentrée dans 3,2% du volume des déchets. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, tout à fait. Merci. Ouais. De rien. Super clair. Et puis, oui, les auditeurs peuvent voir les camemberts. Pour ceux qui nous écoutent en live, ils le voient sur la page du live, donc live.podcastscience.fm. Et puis, les auditeurs qui nous écouteront en différé pourront retrouver ces images dans les notes de l'émission. Alors, revenons un petit peu à l'ANDRA. Donc, d'après ce que j'ai compris... Oui. Est-ce que je peux juste, parce qu'il y avait une question, si on la pose dans 3 heures, c'est un peu dommage. Vas-y. Il y avait juste une question très précise qui était pourquoi mettre une limite à 31 ans pour la différence entre vie longue et vie courte? A priori, c'est vrai qu'il y a des déchets qui vont être sur des durées beaucoup, beaucoup plus longues. Pourquoi cette limite à 31 ans? Dans nos centres de stockage en surface, on considère qu'au bout de 3 siècles, on est dans des périodes courtes. Et 3 siècles, c'est 10, un peu plus de 3 siècles, c'est 10 périodes. Et au bout de 10 périodes, la radioactivité a été divisée par 2, puis par 2, puis par 2, puis par 2, 10 fois, ce qui fait qu'on considère qu'on passe en dessous de la radioactivité naturelle. Et donc, on considère que 3 siècles, donc 10 périodes d'environ 31 ans, c'est une vie courte. Voilà un peu comment ça a été établi. D'accord ? Non, je crois que... 31 ans, c'est la durée... c'est une période. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de cette période, il y a la moitié de la radioactivité qui a disparu. D'accord. Et donc, si on a 1000 becquerels, par exemple, d'activité, au bout de 30 ans, on n'a plus que 500. D'accord. Au bout de 62 ans, on n'a plus que 250, etc. Donc, c'est une période. OK. Donc, l'ANDRA a été créé en France après l'adoption de la loi Bataille en 1991, si j'ai tout suivi, pour trouver des solutions à ce problème de stockage sur le long terme. J'en déduis qu'il n'y en avait pas de solution, c'est ça? Annabelle, tu disais tout à l'heure qu'on jetait simplement les déchets à la mer. C'est tout ce qu'on faisait? On n'avait pas exploré d'autres pistes avant ce moment-là? Si, il y avait. Enfin, ça dépend encore une fois de la catégorie de déchets. Les déchets qui étaient immergés, c'est ce qu'on appelle les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Donc maintenant, tout le monde sait ce dont il s'agit, des vies courtes. Pour les déchets à vie longue, on avait commencé à réfléchir au stockage profond assez tôt finalement, mais en 91. Après plusieurs essais infructueux où on allait dans les territoires et c'était surtout les aspects géologiques qui primaient, la loi Bataille a donné mission à l'ANDRA, notamment de trouver des territoires candidats. Et donc il y a eu cette première loi en 91, et, parce qu'effectivement tout ce que fait l'ANDRA est sous contrôle du Parlement. Et il y a eu une seconde loi en 2006 qui a choisi effectivement après plusieurs pistes le stockage profond et qui a aussi élargi les missions de l'ANDRA, puisque l'ANDRA effectivement est chargée de concevoir le projet de stockage en gros de profondeur, mais on a aussi d'autres missions, comme par exemple les missions de service public où on assainit les sites orphelins pollués par la radioactivité, puisqu'on a des déchets radioactifs aussi, par exemple les anciens laboratoires de Marie Curie, ou tout à l'heure je parlais des objets de la vie courante comme les réveils au radium. Il y a eu un peu ces années folles du radium suite à la découverte de la radioactivité par Marie Curie. Et donc, il y a eu toute une industrie qui s'est développée à partir du radium. Et donc, on a aujourd'hui non seulement des objets, mais aussi des sites pollués par la radioactivité qui sont orphelins parce qu'il n'y a plus de propriétaires identifiés. Et donc, c'est l'ANDRA, depuis 2006, qui a la charge et le budget pour aller dépolluer ces sites-là. Donc, effectivement, pour revenir aux recherches sur le stockage profond, elles ont commencé dès le lancement, on va dire, du programme nucléaire français. Il y a eu plusieurs tentatives dans les années 80. 91, la loi Bataille qui nous demande d'explorer plusieurs voies de recherche. On y reviendra sûrement. 2006, on entérine, la France fait le choix, enfin le Parlement fait le choix du stockage profond après ces 15 années de recherche. Et mandate l'ANDRA donc pour concevoir le projet CIGEO s'il est autorisé en Meuse-Haute-Marne. Ok, CIGEO, c'est donc l'acronyme pour Centre industriel de stockage géologique. C'est ça. C'est une galerie souterraine située à 500 mètres de profondeur où on teste grandeur nature toutes sortes de solutions. Pas tout à fait. Hein. Ah. CIGEO, c'est un projet. Ça n'existe pas en réel, ça existe sur le papier. Ce dont tu parles, c'est un laboratoire souterrain. D'accord. Qui est je confonds les deux creusé à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne. Ok, mais qui seront sur le même site, non ? CIGEO ils seront pas, ils seront pas très loin. D'accord. Mais CIGEO ne sera, s'il est autorisé, ne serait pas une prolongation du laboratoire. Ok. Ce serait un autre site construit pas très loin, mais puisque dans la même roche, et ce serait pas la même chose. D'accord. Et puis ce site, il a été choisi comment ? Je reviens pour compléter la réponse d'Annabelle sur la loi de 91 peut-être. Mm-hmm. L'idée de cette loi, c'était d'explorer trois pistes. Hein. On avait confié à l'ANDRA et le CEA d'étudier trois pistes pendant 15 ans. Et les pistes, il y en avait une qui était sur le stockage profond. Donc l'idée, c'était de mettre les déchets radioactifs dans une roche stable capable de retenir la radioactivité pendant environ 1 million d'années, hein, sans que l'homme n'ait à intervenir sur une si longue période. Ça, c'était la première piste. La deuxième piste, qui était étudiée par le CEA, c'était l'entreposage longue durée, qui consistait à tester la possibilité de construire des bâtiments qui seraient capables de durer 2 ou 3 siècles, et puis après de les reconstruire régulièrement. Et puis la troisième piste, toujours étudiée par le CEA, c'était ce qu'on appelle la séparation-transmutation, qui avait pour objectif de réduire la dangerosité de ces déchets. Et en fait, donc après ces 15 années de recherche, les résultats ont été évalués scientifiquement. Et puis voilà, et ces évaluations, elles ont montré que c'était la première piste, c'est-à-dire sur le stockage profond, qui était techniquement faisable, voilà, parce que les deux autres pistes étaient bien plus compliquées. Si on prend l'entreposage de longue durée, le fait de construire des bâtiments d'une durée de vie de 3 siècles, ce n'était pas garanti, et puis il y avait un risque trop fort de rupture sociétale, parce qu'il faut pouvoir les entretenir et les reconstruire. Et puis, quant à la séparation-transmutation, il y avait deux problèmes hein, sur la séparation-transmutation. Le premier problème, c'est que d'abord, ça ne marche que pour une partie des déchets radioactifs de haute activité. Et donc, ça ne supprime pas le problème. Et puis, la deuxième, elle est d'ordre un peu plus technique. Il faut construire tout simplement des installations nucléaires nouvelles pour faire de la séparation-transmutation. Et que ces installations nucléaires, eh ben, elles génèrent de nouveaux déchets dangereux et qui sont, eux, pas transmutables. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ces 15 années et ces conclusions, en 2005-2006 environ, il y a eu un débat public. Et puis, à la suite de ce débat public, le Parlement a décidé de mettre en œuvre la première solution, qui est la solution du stockage profond. Voilà comment en fait on en est arrivé là. D'accord, super intéressant, merci de l'explication. Et puis, donc je reviens à ma question de tout à l'heure. Vous avez, enfin, il a été décidé qu'on utiliserait le stockage profond, il a fallu trouver un site. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Alors, pour le site, il y a eu plusieurs communes candidates dans lesquelles ont été effectuées des investigations géologiques. Et puis, Voilà, là j'ai, c'était, ça s'est fait uniquement sur des critères géologiques, c'est-à-dire qu'on cherchait une roche donc stable, et donc on a trouvé ici à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne une roche qui est stable depuis 140 millions d'années. C'était le premier critère, la durée de la stabilité. Le deuxième critère, c'est que cette roche était suffisamment épaisse, donc elle fait environ 130 mètres d'épaisseur, et puis à une profondeur adéquate. Là, en l'occurrence, elle est à 500 mètres. Donc c'est très bien 500 mètres parce que c'est suffisamment profond pour protéger de phénomènes comme la prochaine ère de glaciation qui va geler le sol sur une profondeur de quelques mètres. C'est pas trop profond non plus. Voilà, 500 mètres, c'est idéal. Donc c'était les trois critères, hein, la stabilité de la roche, l'épaisseur de la roche et la profondeur à laquelle on trouve cette roche. Et donc ils l'ont trouvé là à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne, et il a été décidé d'y construire un laboratoire souterrain pour y effectuer des recherches. D'accord. Et la population, c'était pas un critère ? Enfin, si vous aviez trouvé le terrain idéal sous Paris... Ah bah là, je pense que ça aurait été niette. Hein. D'accord. Je vois mal les engins de chantier s'installer à Notre-Dame. Évidemment, oui, il fallait pas qu'il y ait une zone urbaine trop importante. Mm-hmm. En fait, effectivement, pour compléter, au-delà de la... Enfin, il y avait des aspects géologiques hein, qui sont indispensables, mais aussi des critères de volontariat des communautés locales. Donc, effectivement, on est parti sur des appels à candidature des départements. Donc, il y a eu plusieurs projets dans la Vienne, dans le Gard, pas forcément dans l'argile, d'ailleurs. Hein. Finalement, c'est la couche argileuse de Meuse et Haute-Marne, mais on avait envisagé le granit. Et c'est vrai que, du coup, au-delà de la géologie, l'aspect sociétal compte énormément, parce que c'est jamais facile, de toute façon, d'implanter un stockage. Mais il faut qu'il y ait un dialogue et un soutien qui s'installe au niveau local. On ne peut pas arriver en décrétant qu'on va faire un stockage à cet endroit-là. Donc il y a un dialogue qui s'est noué depuis effectivement les années 90 et la recherche de sites. Et effectivement, en Meuse-Haute-Marne, on est soutenu au niveau régional, départemental, communal, etc. Et effectivement, le critère de candidature et les critères sociétaux sont au moins aussi importants que les critères géologiques, bien sûr. Très bien. Pardon, j'étais sur une autre fenêtre, je me suis un petit peu perdu. Donc le laboratoire souterrain, sur le laboratoire tout court sur le site de Bure, j'imagine que tout le monde ne bosse pas en souterrain. Combien de personnes y travaillent justement, puis qu'est-ce qu'elles y font ? Alors le laboratoire souterrain, en fait, on appelle ça le centre de Meuse-Haute-Marne, parce qu'il y a certes un laboratoire, mais il y a également d'autres installations. Il y a un espace technologique, il y a une écothèque, il y a des installations de surveillance de l'environnement. Et en tout, sur ce centre, on a environ 350 personnes qui y travaillent et qui aussi habitent dans la région. Et qu'est-ce qu'elles font ? Alors, bon, au niveau du laboratoire, bah, d'abord, elles exploitent le labo. C'est-à-dire qu'il y a du creusement, il y a de la sécurité, ce genre de choses. Ensuite, il y a de l'étude de la roche. Et puis, en dehors du laboratoire, il y a de l'étude de l'environnement de surface. Et puis, il y a également des tests d'ingénierie qui sont réalisés. Voilà un peu les différents métiers qui sont exercés au laboratoire et au centre de Meuse-Haute-Marne. Et puis, je me suis perdu. CIGEO, à proprement parler, donc vous disiez qu'il est en attente d'autorisation, c'est ça ? On n'est pas encore sûr que la solution est acceptée ? Le site ne va pas forcément pouvoir démarrer ? Non, en fait, CIGEO, effectivement, ça n'existe pas aujourd'hui en laboratoire, mais CIGEO n'est pas autorisé. Il y a un processus qui est très long, hein. On travaille dessus depuis les années 90 et c'est encore très long. Aujourd'hui, on en est au dépôt de la demande d'autorisation de création qui doit intervenir en 2017, qui va être instruit ensuite par notamment l'autorité de sûreté nucléaire qui donnera son avis. Il doit y avoir aussi le vote d'une loi puisque tout ce qu'on fait est encadré par le Parlement. Et le Parlement donc doit voter aussi une loi sur la réversibilité, qui est une notion importante sur laquelle on reviendra sans doute. Donc au final, l'autorisation pourrait intervenir aux environs de 2020 pour une première arrivée des colis dans le cadre d'une phase industrielle pilote de test en vraie grandeur qui, elle, interviendrait à compter de 2025 à peu près. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a juste un labo et le site de stockage en tant que tel sera construit progressivement à quelques kilomètres de là, toujours à la frontière entre les deux départements Meuse et Haute-Marne, à quelques kilomètres du labo où on est en train de faire des essais sur la roche, sur le creusement, etc. aujourd'hui. Labo qu'on peut visiter, d'ailleurs, et qu'on invite... des gens qui suivent l'émission à venir visiter si ça les intéresse. Ben c'est très sympa, merci. Et puis c'est vrai que ça vaut le détour. Hein. J'ai eu la chance d'aller visiter. C'est assez impressionnant, ne serait-ce que pour l'ascenseur, quoi. Descendre 500 mètres sous terre. C'est wow. Juste épatant. Ah, moi, j'adorerais, ouais. Ah ben voilà, vous avez une première inscrite. Ouais. Mais... Je me posais la question, je ne sais pas si j'interviens, mais comment ça se passe au niveau... Peut-être que j'anticipe trop vite aussi. Comment se place la France par rapport aux autres nations? Ce cible de labo, apparemment, c'est nouveau et on attend des autorisations. Mais comment ils font les autres pays? Comment on se place par rapport aux autres pays et leurs déchets nucléaires hein? Est-ce qu'on a un rôle pilote ou est-ce qu'on regarde ce que font les autres? Comment ça se passe la relation avec les autres pays au niveau des déchets hein? Oui, alors il y a une collaboration internationale, effectivement, parce que on est tous confrontés aux mêmes problématiques. En tout cas, la plupart, effectivement, des pays qui ont une forte problématique nucléaire réfléchissent au stockage profond pour les déchets à vie longue. Hein. Donc, c'est le cas à différents niveaux. Les pays ne sont pas tous au même stade. Le trio de tête, on va dire, c'est la France, la Finlande et la Suède. Mais la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne même, hein, qui a décidé de sortir du nucléaire, relance actuellement le processus de recherche de sites. J'en oublie sûrement, mais tout ça pour dire qu'effectivement, dans aucun pays ça se fait facilement, mais à différents niveaux, tous les pays y réfléchissent parce que c'est une solution qui, au niveau international, fait consensus. Pour revenir sur le laboratoire souterrain, on y teste quoi exactement? Parce qu'on aurait tendance à se dire qu'un tunnel, c'est un tunnel, quoi. Il y en a vraiment différents types. Alors, en fait, au début, le laboratoire souterrain, il était là, il s'est installé dans cette roche, hein, qu'on appelle, c'est une roche du calot oxfordien, un argile. Il était là pour caractériser cette argile et en mesurer les propriétés. Il fallait très bien connaître la roche. Et puis après, il a fallu étudier les perturbations subies par la roche quand on creuse un tunnel, une galerie. Ou quand on y met des déchets qui sont chauds. Parce qu'une des propriétés des déchets de haute activité, c'est qu'ils sont chauds, ils dégagent de la chaleur. Pas ceux de moyenne activité, mais ceux de haute activité, on dégage. Et donc l'idée, c'est, si on les creuse, comment se déforment les galeries, comment est-ce que les matériaux qu'on va mettre dans cette roche vont interagir entre eux, parce qu'on va, mettre dedans du béton, du verre, du fer, de l'argile. La chaleur va avoir un impact sur la propriété de l'argile. Donc voilà, tout ça, c'est étudié. On met des capteurs dans la roche, hein, très concrètement. Et puis après, donc, on fait des expériences sur plusieurs années. Et puis après, pour voir ce que ça pourrait donner au bout de plusieurs milliers d'années, il y a de la simulation qui est réalisée. Hein? Alors, le but de toutes ces études de la roche, c'est d'étudier sur la perturbation de la roche, c'est de limiter au maximum l'endommagement de cette roche. Hein? Et puis, au laboratoire, il y a également des tests de solutions industrielles qui sont réalisés. Donc, c'est ce que tu disais un peu. Hein? On regarde des méthodes de creusement, de galeries, de soutènement, ce genre de choses. D'accord. Et puis CIGEO, ce sera donc un grand trou, j'imagine. On le remplit une fois, on le ferme et hop, on est bon pendant un million d'années ou comment ça se passe? Alors, c'est un peu plus qu'un grand trou, hein, justement. C'est pour le coup un projet industriel assez innovant, assez ambitieux, hein, de créer une installation nucléaire de base en souterrain. Et effectivement, tu as visité le laboratoire et tu as bien vu que ce n'était pas juste un grand trou. Absolument. C'est un projet effectivement innovant, ne serait-ce que par la dimension du temps, parce que juste d'abord il doit confiner la radioactivité sur des périodes de temps de dizaines, centaines de millions d'années, mais même l'exploitation industrielle elle-même, elle va durer 120 ans, ce qui est énorme. Donc, on va remplir les déchets de manière très progressive pendant 120 ans, puisque CIGEO est conçu pour tous les déchets de haute activité du parc nucléaire français actuel jusqu'à sa fin de vie, y compris même des installations qui ne sont pas encore mises en service, comme par exemple le PR de Flamanville ou le projet ITER. Alors, donc, effectivement, on va les remplir pendant une grosse centaine d'années, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il y a une dimension importante qui est la question de la réversibilité. Ça, c'est une demande très forte de la société et du coup du Parlement qui nous a dit que pendant toute sa durée d'exploitation, Cigéo devait être réversible, c'est-à-dire que d'abord, on doit avoir la capacité de revenir en arrière, de changer d'avis si finalement on décide de faire autrement, si on trouve d'autres technologies, si on veut pouvoir retirer les colis. Et puis, du coup, c'est aussi la question du contrôle que va avoir la société sur le projet et sur sa fermeture. C'est-à-dire que c'est pas on remplit et puis on ferme et puis on tourne la clé, c'est justement à quel rythme on ferme, qui décide de fermer. Et c'est pour ça que dans la réversibilité, il y a aussi ces aspects d'avoir des rendez-vous réguliers avec la société, avec le Parlement, pourquoi pas, où très régulièrement, on se repose la question, ok, ça marche bien, on continue, on arrête, on fait différemment, on va plus vite, on va moins vite, etc. Donc, la réversibilité, c'est à la fois la capacité technique de retirer les colis, mais c'est aussi tous ces aspects de gouvernance, notamment sur les questions de fermeture, qui sont très importants. Ok. Donc, de ce que je comprends, à partir du moment où on commence à remplir et le moment où ce sera plein, 120 ans vont s'écouler, pendant lesquels on pourra remettre en question le projet. Mais par contre, une fois qu'on aura fermé la... Enfin, en admettant qu'on le remplisse, dans 120 ans, une fois qu'on tourne la clé, c'est fini. Alors, effectivement, le principe, c'est de trouver une solution définitive, parce que effectivement, l'idée, c'est à terme de ne pas nécessiter d'intervention humaine, parce qu'effectivement, sur de telles échelles de temps, on ne peut pas garantir que nos descendants de dans 10 000 ans, dans 20 000 ans, auront encore les capacités financières, techniques, humaines, etc., d'entretenir et de maintenir la sécurité des entreposages tels qu'ils existent aujourd'hui. Et donc, c'est bien pour ça qu'effectivement, le projet a pour vocation, au départ, à être définitif. Si les générations futures, dans 120 ans, décident que c'est bon, qu'on a eu toutes les preuves qu'il fallait et qu'il faut fermer. Cela dit, donc effectivement, la vocation, c'est bien que ça soit un stockage définitif, même si on se doute bien que ne serait-ce qu'au niveau de la demande de la société, il y aura quand même une surveillance et un essai de maintien de la mémoire qui sera réalisé. On y reviendra dans un instant. Je me demandais comment est-ce qu'on va faire pour acheminer, donc, j'allais dire les déchets, mais toi tu appelles ça les colis. Comment est-ce qu'on va faire pour acheminer les colis sur place? En fait, les déchets sont dans des colis. Hein. En fait, comment est-ce qu'on va les acheminer sur Cigéo? Je dirais principalement par le train. Et alors, les déchets donc, qui seraient conditionnés dans des emballages de transport spécifiques. Ensuite, ils arriveraient sur les installations de Cigéo, ils passeraient par un bâtiment de transit, et puis ils seraient descendus dans le stockage souterrain via une grande descendrie. Donc ce serait une sorte de funiculaire qui fait 5 km de long et qui arrive au fond. Là, pendant qu'Annabelle parlait, je me suis permis de t'envoyer une photo des installations, enfin une vue d'artiste de ce à quoi pourrait ressembler Cigéo. Donc si tu peux la diffuser. Je fais ça tout de suite, ouais. Voilà, en fait, sur cette vue d'artiste, on peut voir, il y a deux zones en surface. Une zone où arrivent donc les déchets, les colis de déchets, et puis on voit un espèce de grand tunnel qui descend dans les installations souterraines. Donc là, on voit tout un tas de galeries. Alors, il y a une partie des galeries qui sont pour les déchets de haute activité et une autre partie des galeries qui sont pour les déchets de moyenne activité à vie longue. Et puis, à la verticale de ces galeries, il y a des installations de surface encore. Qui servent au creusement en fait, hein. Donc parce que la vue d'artiste qu'on voit, ça n'existera jamais comme ça, parce qu'on creusera au fur et à mesure des besoins. Hein. Mais effectivement, quand tout sera creusé, ce sera comme ça. Mais après, les galeries seront rebouchées au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça qu'on a des installations en surface qui sont là pour le creusement, et puis des installations qui sont là pour l'arrivée des colis et la descente dans les installations souterraines. Ok. Et puis le transport en train de ces colis, c'est safe? C'est sans risque? Régulièrement, en France, des déchets radioactifs sont transportés par voie ferrée. On en voit souvent arriver au terminal de Valognes, dans la Manche, des déchets qui viennent de l'étranger. On pense au train Castor, c'est comme ça que ça s'appelle, qui transporte donc des déchets radioactifs en provenance d'Allemagne. Je crois qu'historiquement, il y a dû y avoir un accident, mais les colis sont faits pour résister à des chocs très importants. Il n'y a jamais eu d'impact sur l'homme ou l'environnement lié à des transports de déchets radioactifs par le train. On va revenir sur cette question de durée, parce qu'on parle d'1 million d'années. C'est une échelle de temps absolument inconcevable à l'échelle humaine. Homo sapiens ne sévit sur la planète que depuis 200 000 ans environ. Ça fait 10 000 ans qu'on a cessé d'être des chasseurs-cueilleurs. Ça fait que quelques dizaines d'années qu'on a de l'eau chaude, de l'eau courante, de l'électricité. Que, même avec les meilleures simulations, comment est-ce qu'on peut être certain que la solution tiendra un million d'années ? Oui. Bon, c'est vrai, Alan, tu as complètement raison. C'est vrai que cette, cette échelle de temps, un million d'années, c'est, ça nous dépasse complètement, hein, nous, les êtres humains. Mais on a une partie des êtres humains qui s'appellent les géologues. Et eux, ils voient les choses un peu différemment de nous autres. Et pour eux, un million d'années, finalement, c'est pas si long au regard de la roche dans laquelle on devrait installer ces déchets, qui, elle, a une stabilité géologique qui date de 140 millions d'années. Il faut savoir que quand la roche s'est créée en Meuse-Haute-Marne, c'était une zone tropicale avec des océans, on retrouve des fossiles, hein, la planète était totalement différente. Et puis, comme tu dis, Homo sapiens n'est arrivé que très récemment. Mais la roche était là depuis 140 millions d'années. Et en 140 millions d'années, elle n'a pas bougé. Donc, à la limite, le besoin de sûreté, il est d'un million d'années. Et à partir du moment où voilà, ça ne bouge pas pendant au moins un million d'années de plus, c'est pas grand-chose. Et puis, bon, alors comment être sûr ? Alors, bien, on n'est jamais sûr de rien. À un moment donné, il faut faire confiance. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, il y a eu 20 ans de recherche avec des centaines de géologues qui ont travaillé sur cette roche. Les conclusions de leurs travaux ont été évaluées internationalement. Hein. À l'Andra, ils ne travaillent pas tout seuls dans leur coin. Hein. D'autres pays sont confrontés aux mêmes problématiques que nous. Et puis, il y a de nombreuses instances qui ont évalué tous ces travaux. Et voilà, ça fait consensus dans la communauté des géologues et des scientifiques à l'international, cette roche, elle est stable sur une aussi longue durée. C'est assez convaincant, effectivement. Je n'avais pas pensé aux géologues. OK. Et, alors, la signalétique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut penser aux générations suivantes, mais si ça se trouve, il y aura une rupture de la chaîne culturelle. Je veux dire, dans un million d'années, c'est tellement long, peut-être que l'espèce intelligente dominante sur Terre ne sera plus l'être humain, mais je sais pas, moi, le poulpe. Comment est-ce qu'on fait pour signaler la dangerosité du lieu et s'assurer que ce soit compris par... Le poulpe de demain. Ouais, par exemple. Ben, en fait, toute la question, c'est de savoir quel intérêt aura le poulpe à cette époque-là d'aller creuser à 500 mètres de profondeur. Il y a quand même peu de chances qu'il fasse ça le week-end pour s'amuser, ou en tout cas, s'il a les capacités de le faire pour s'amuser, il a aussi les capacités de faire des investigations avant et de se dire, tiens, il se passe quelque chose, donc je vais aller regarder ce qui se passe avant de creuser. Mais effectivement, plus sérieusement, cette question, c'est celle de la mémoire, hein, qui est au centre du documentaire là, Into Eternity, que j'invite tout le monde à aller voir. Et c'est une question sur laquelle il n'y a pas d'urgence, finalement, à trouver une solution définitive, de dire, voilà, d'ailleurs, ça serait très, très prétentieux de notre part de dire, on sait comment on va garder la mémoire sur un million d'années, voilà la solution, il faut tel marqueur de surface, telle langue et tout ça. On ne peut pas prétendre ça. Par contre, il y a quelque chose qui est certain, c'est que si on fait CIGEO, justement, c'est pour ne pas nécessiter d'action humaine. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la mémoire, en tout cas du point de vue de la sûreté. Par contre, effectivement, c'est une vraie demande qui est très forte. D'abord, de la part de nos évaluateurs, c'est-à-dire que pour autoriser CIGEO, l'autorité de sûreté nucléaire demande à ce qu'on soit capable de garder la mémoire sur 500 ans. Ça, on pense que raisonnablement, on sait faire, pas en faisant de la science-fiction ou de la futurologie, mais en regardant ce qui s'est fait dans le passé. Hein. On a regardé, on voit qu'effectivement, sur 500 ans, grosso modo, l'homme sait faire, mais on veut essayer, nous et puis ceux qui l'andra de demain, de garder la mémoire au-delà de cette échelle-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de pistes qui vont de l'art à l'archéologie des paysages, en passant par les marqueurs, pour réfléchir à quelle serait non pas la solution, mais un cocktail de solutions, en fait, parce qu'il n'y aura pas une solution miracle. En fait, grosso modo, il y a trois grands types de systèmes. Il y a effectivement la question du support physique. Sur quoi on met cette mémoire ? Donc, par exemple, sur les centres de surface, on met toutes les données qui concernent les centres sur du papier permanent, avec de l'encre permanente, parce que les supports numériques, on se rend compte qu'ils ont une durée de vie. On n'est plus capable de lire nos mémoires d'études sur les disquettes qu'on avait à l'époque. Donc, le numérique, on oublie, papier permanent. Et donc, par exemple, il y a une start-up qui a développé un disque en saphir. On sait que le disque en saphir dure un million d'années. Bon, donc ça, c'est la question du support physique. Mais après, qu'est-ce qu'on écrit ? Donc ça, c'est le deuxième système. Quel système de communication on utilise ? Donc, quelle langue ? Par exemple, on s'est rendu compte que le latin, était toujours enseigné aujourd'hui et donc ne bougeait plus, à l'inverse du français, où on sait que le français qu'on utilise aujourd'hui, dans quelques centaines d'années, plus personne ne le comprendra, parce qu'il il évolue très vite, donc pourquoi pas utiliser plutôt les langues mortes. Mais encore une fois, c'est une piste, hein, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Donc toute la question de ce système de communication, c'est justement la question des marqueurs en surface. Est-ce qu'il faut laisser quelque chose, une pyramide, une stèle, une œuvre d'art, ou au contraire rien? Donc, et puis voilà, la troisième question, c'est à qui on transmet les clés de cette mémoire. Qui est le gardien de cette mémoire? Est-ce que c'est un système étatique? Est-ce que c'est les institutions? Ou est-ce que c'est finalement les riverains? Est-ce que c'est la mémoire des gens? On s'est rendu compte qu'il y avait des systèmes avec des aborigènes d'Australie qui avaient perpétué des traditions orales pendant 10 000 ans. Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir? Et donc tout ça, c'est des pistes qui sont étudiées hein, par l'ANDRA, mais aussi par tous les homologues internationaux. Il y a des groupes internationaux qui se réunissent et qui font des colloques sur ces questions-là. Et on étudie donc ce cocktail de solutions. Et dès aujourd'hui, on essaye de travailler plus modestement avec des riverains autour de nos centres pour justement que cette mémoire, finalement, elle soit aussi réattribuer aux gens, que les gens puissent la réapproprier, en fait, que les riverains autour de nos centres puissent non pas forcément s'engager sur des centaines d'années, mais de génération en génération, qu'on puisse s'approprier le stockage, qu'est-ce qu'il y a là, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, comment ça fonctionne, et donc qu'on puisse faire perdurer la mémoire de génération en génération. Voilà, en grosso modo, quelques pistes sur cette question qui est elle-même infinie. Effectivement, Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, j'étais en train de chercher des photos du disque en saphir. Parce que souvent, on nous dit, mais à quoi ça sert de faire un disque en saphir avec des données numériques dessus parce que voilà, on ne saura pas lire ça dans 10 ou 30 ans ou 40 ans. Mais en réalité, c'est un disque optique. Hein, on peut lire l'ensemble des informations qui sont dessus. On peut mettre des milliers de pages d'informations et on les lit soit à l'œil, soit avec une loupe, soit avec un microscope. Donc je trouvais ça intéressant que les auditeurs puissent voir un peu à quoi ça ressemble un disque en saphir. Donc je la cherche et je te l'envoie. Merveilleux. Et bon, moi j'arrive gentiment au bout de mes questions. Je crois qu'on en a pas mal dans la chatroom qui remonte de la part de la communauté. J'ai quand même deux petites questions encore avant de terminer. Comment est-ce que l'ANDRA, en général, et le projet CIGEO en particulier, sont financés? Alors, pour CIGEO en particulier, c'est les producteurs de déchets. En fait, c'est le principe pollueur-payeur qui s'applique. Donc, c'est les producteurs de déchets. Donc, Areva, EDF et le CEA qui versent une taxe qui est ensuite reversée à l'ANDRA. Et après, on a quelques contrats commerciaux pour récupérer les déchets dans les laboratoires de recherche, les hôpitaux, par exemple. Et puis après, pour la mission de service public d'assainissement des sites orphelins dont je parlais tout à l'heure, il y a une subvention d'État. D'accord. C'est pas un petit peu problématique, en fait, vous êtes indirectement financé par l'industrie du nucléaire, en fait? Indirectement, mais justement, c'est pas les producteurs de déchets qui nous versent l'argent directement. Ça passe par une taxe qui est versée à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est rétribuée à l'ASN. Mais le principe français est très clair, qui est de dire que l'établissement qui est en charge des déchets est déconnecté des producteurs de déchets et que c'est notre mission en propre. Donc, effectivement, on est financé de manière indirecte, mais les missions de l'ANDRA sont des missions distinctes de celles des producteurs de déchets. Ça vous pose jamais de problème en termes de communication ? En termes de communication, non, sincèrement, ça pose pas vraiment de problème. On a un positionnement qui est assez clair. Je dis pas que ça pose jamais de problème par ailleurs, hein, notamment sur ces questions. Il y a eu beaucoup de polémiques sur la question des coûts de CIGEO. C'est un sujet très récurrent. Effectivement, les producteurs de déchets qui sont ceux, in fine, qui vont payer le stockage, ont plutôt tendance à tirer dans un sens, et ce qui se comprend aussi, hein, de leur côté. Donc, ça peut arriver effectivement qu'il y ait des tensions, mais pas tellement en termes de communication pour nous, non. Non, non, c'est assez distinct. Ok. En général, d'ailleurs, la communication passe bien, on comprend bien votre message ? Déjà, il faudrait qu'on l'entende, notre message, parce qu'effectivement, moi, la problématique des déchets radioactifs, avant de voir une offre pour la com de l'ANDRA, j'en avais jamais entendu parler, et je m'y étais jamais vraiment non plus intéressée. Or, c'est quand même un sujet qui nous concerne tous, ne serait-ce parce qu'effectivement, On utilise tous de l'électricité et ça, c'est une des grandes missions qu'on a, nous. C'est, et c'est très bien que des émissions comme ça puissent se faire, c'est de faire prendre conscience de cette problématique-là, que les gens puissent s'y intéresser, qu'il y ait des débats, parce que ce n'est pas des questions simples, parce qu'effectivement, ce n'est pas noir ou blanc, parce que ça pose tout un tas de questions et que voilà, les gens et des publics plus larges que les publics traditionnels, pro-anti-nucléaires, justement, puissent s'intéresser au sujet et participer au débat. Alors, en parlant de débat, j'ai une petite remarque pour apporter un petit chiffre. On fait régulièrement les enquêtes Crédoc, et là, il y a une enquête qui a montré en fait que deux tiers des personnes interrogées pensaient qu'un téléphone portable usagé constituait un déchet radioactif. Donc, okay. Voilà, donc c'est là qu'on voit que voilà, il y a du chemin à faire parce que dans déchets radioactifs, il y a radioactif, et la radioactivité, c'est quelque chose d'assez compliqué. À cet effet, on a monté une exposition qui s'appelle La radioactivité de Homer à Oppenheimer, qui était au Palais de la Découverte jusqu'au 8 juin, mais qui va continuer à circuler. On peut avoir des renseignements sur cette exposition sur le site déchetsradioactifs.com. Donc ça s'appelle La radioactivité de Homer à Oppenheimer, qui explique voilà, ce qu'est la radioactivité. Parce que une fois qu'on comprend ce qu'est la radioactivité, on comprend que voilà, c'est quelque chose qui décroît dans le temps, qui est dangereux, mais dont on peut se protéger, on commence à comprendre le sujet. À ce moment-là, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a plus de rationalité qui se met dans le débat, et nous, c'est ce qui nous intéresse, que les gens, que les citoyens s'approprient le sujet et le comprennent. Ok. Et en parlant de débat public, donc on a plein de questions qui ont été posées dans la chatroom. Robin, tu les as listées ? Oui, en fait, c'est Irène qui a fait le boulot. Moi, j'ai continué un peu, mais pardon. C'est surtout Irène qui a... Bravo, Irène. Il y a une question qui est revenue, qui a suscité tout un débat. Bon, il y a eu des grands délires. Je vais essayer de faire un petit résumé des solutions qui... Parce que vous avez quand même peu d'imagination pour trouver des solutions. Il y a eu des solutions extraordinaires trouvées dans la chatroom. Voilà. Mais je vais essayer de vous en faire un résumé rapide à la fin des questions, juste histoire de se détendre. On commence par les questions sérieuses. Il y avait une question qui était: quel est le meilleur matériau connu pour enrober les déchets niveau durabilité? Sachant qu'il y a eu des réponses partielles, hein, le plomb, les machins, mais la question était, a priori, en s'en fichant complètement de savoir si ça coûte cher ou pas, quoi, hein, est-ce qu'on peut chercher du côté du diamant ou du machin comme ça? Alors ça, je sais pas, effectivement, un matériau un peu cher, ou qu'on pourrait chercher sur des planètes lointaines, mais ce qui est sûr, c'est que... En France, les déchets de haute activité sont mis dans des matrices de verre. Alors, la durabilité du verre, ça va être plusieurs milliers d'années. Mais en fait, l'enjeu, il n'est pas sur la durée du colis ou de la matrice dans lequel le déchet. L'enjeu, il est au niveau de la roche. Et donc, nous, en France, si on les stockait, ce serait dans un argile. Et cette argile, il y a de l'eau à l'intérieur, mais qui circule très très très lentement, de l'ordre de quelques centimètres par millier d'années. Et l'objectif de cette roche, ce serait de ralentir la dispersion des radionuclides. Parce que les radionuclides, ils finiraient par migrer à la surface, mais pour ça, ils ont plusieurs dizaines de mètres à faire. Et le temps qui parcourt ces mètres-là, la radioactivité va diminuer. Donc on peut dire qu'en fait, c'est une course de lenteur, c'est-à-dire entre la lenteur de la décroissance et la lenteur de la dispersion des radionuclides. Donc, voilà, on ne cherche pas un matériau absolu qui va être une prison ultime pour les radionuclides. On cherche la stratégie est un peu différente. Voilà, de retenir le plus longtemps possible les radionuclides, le temps que, lorsqu'ils arriveront dans l'environnement, leur radioactivité est suffisamment diminuée pour ne plus présenter de risque. Yves disait: quand on investira à nouveau dans l'ingénierie nucléaire, on pourra enfin transmuter les noyaux à demi-vie longue en déchets plus facilement gérables, environ 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? J'avais en partie abordé la question de la transmutation quand on parlait de la loi de 91 qui demandait à l'ANDRA et au CEA d'étudier trois pistes, le stockage, l'entreposage longue durée et la séparation-transmutation. Donc c'est une piste qui a été étudiée hein, pendant 15 ans, une piste sur laquelle il y a encore des recherches qui sont menées. Mais comme je disais, cette piste, elle a deux impasses. La première, c'est que la transmutation ne se fait pas sur tous les déchets qui concernent le stockage. Et puis la deuxième, c'est que pour transmuter, il faut construire des installations de nouvelles installations nucléaires qui elles-mêmes vont produire des déchets dangereux. Donc on réduit une partie du problème, on le déplace et on en crée d'autres. Ouais. Ouais. Voilà. Oui, il y a des choses à creuser, à chercher, mais voilà, en état actuel. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la séparation transmutation ne pourrait pas s'appliquer pour les déchets déjà produits et qui ont déjà été mis dans des matrices de verre. Dévitrifier, enfin, ce serait en termes de parce qu'il y a des gens qui vont s'occuper de ça. Il y a des gens qui pourraient prendre de la dose. Enfin, il y a de la radioprotection des travailleurs. Voilà, la question, elle est, c'est pas simple. Hein. 50% de tout l'inventaire qui va aller dans CIGEO existe déjà et est déjà sur la table. Pour cela, effectivement, ils sont déjà là, ils ne changeront pas de forme. Donc, de toute façon, pour cela, il faut bien trouver une solution pour les stocker. Ouais, d'accord. OK. Ensuite, il y avait Yves qui a abordé aussi peut-être une question qui fâche, mais qui parle de la relation avec Greenpeace et qui parle du fait que Greenpeace adorait arrêter les trains chargés de colis. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, je sais pas. Nous, à l'Andra, on s'occupe pas des trains, en fait. Nous, on s'occupe des installations de stockage. On est vraiment en bout de chaîne. Et donc, c'est le producteur qui est chargé d'amener les colis de déchets chez nous. Je sais pas, Annabelle, tu veux dire quelque chose ? Non, je dis c'est pas nous, c'est les autres. Non, c'est ça, ouais. Alors après, Greenpeace, comme d'autres, hein, on cache pas le fait qu'on est effectivement des opposants qui parfois font des actions, qui utilisent les moyens qui sont à leur disposition. Pour certains, comme avec Greenpeace d'ailleurs, il y a des dialogues qui sont assez constructifs parce que c'est des gens qui sont quand même experts, qui participent à aux groupes de travail parfois un peu ardu au comité d'experts, etc. On n'est pas d'accord, mais cette expertise pluraliste, de toute façon, pour un sujet comme celui-là, qui est un sujet effectivement de société qui mobilise tant de gens, c'est assez sain qu'il soit challengé. Alors des fois, bon, bah, sur la forme, on aime plus ou moins, mais le fait qu'il soit challengé, en soi, ça me semble non seulement naturel, mais même plutôt souhaitable en démocratie. Oui, bien sûr, c'est constructif, oui. Oui, oui. La plupart du temps. Certes. Moi, je passe à ma question. C'est moi. J'ai une question. Merci. que je me pose dès que j'entends parler de ça. J'en profite, vous êtes là. C'est sûrement extrêmement naïf. Hein. Mais je me dis, c'est des trucs hyper dangereux qui dégagent de la chaleur, qui dégagent de l'énergie dans tous les sens. Il n'y a pas moyen de l'exploiter, cette énergie-là. C'est des trucs... Enfin, je sais pas, la radioactivité est censée pouvoir produire de l'énergie, la chaleur, ça peut produire de l'énergie, et on se dit, bah, c'est un peu bêta, non de... Alors, c'est vrai que les déchets de haute activité dégagent de la chaleur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le combustible nucléaire, il est renouvelé par tiers dans le réacteur tous les 3 ans, d'accord ? Et donc, tout ça se fait dans des piscines, et on déplace les barres de combustible du cœur du réacteur vers des piscines d'entreposage qui sont juste à côté. Là déjà, donc là pour le coup, là, le combustible est encore très chaud, et là on attend 3 ans avant de pouvoir, 5 ans, avant de pouvoir l'envoyer à La Hague où il va être retraité. Là à La Hague, les déchets de haute activité, qui sont des déchets ultimes, dont on ne juge qu'il n'y a plus d'utilisation possible parce qu'ils sont trop dangereux. Alors certes, ils dégagent de la chaleur, mais il y a le problème du danger de la radioactivité, vont rester entreposés des dizaines d'années, 50, 60 ans, alors pas forcément à La Hague, mais du moins quelque part, en attente de descente dans CIGEO. Donc certes, ces déchets dégagent de la chaleur. Il faut attendre des dizaines d'années avant que cette chaleur diminue suffisamment pour pouvoir être mise en stockage, ou ils en dégageront encore un peu. Alors après, c'est plus énorme. Hein. Quand ils seront descendus, ça va être de l'ordre de alors peut-être 90 degrés, mais bon. Mais le problème, c'est que les dangers de leur rayonnement sont beaucoup plus importants que les bénéfices qu'on pourrait tirer de la chaleur qu'ils produisent. Donc voilà, on est obligé en fait d'attendre que leur chaleur diminue dans des lieux spécifiques d'entreposage. Et dans ces lieux, on ne peut pas réexploiter cette chaleur d'un point de vue industriel. Après, c'est un problème de coût économique d'exploitation de la ressource. D'accord. Je sais pas si je réponds à la question. Si, c'est trop dangereux, globalement. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est ça. Voilà. C'est un calcul, d'accord. Mais du coup, je me rends compte que j'ai grillé la question de quelqu'un, je suis désolé. De Thibaut qui posait à peu près la même question. Bon. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions juste maintenant, et donc ça répond bien, c'est bien d'actualité, oui, ça répond directement aux questions. Oui. sinon, il y avait une question qui est venue au moment du disque en saphir et du codage à long terme. Donc, Nabla faisait un rapprochement avec le code de missiles, si c'était la même problématique. À supposer qu'on garde des gouvernements stables dans 10 000 ans, est-ce que l'anglais aussi sera une langue qu'on utilisera encore, etc. Donc, vous pensez que c'est un peu la même problématique, vous aussi, dans ce domaine, hein? En termes de justement la question de la linguistique, c'est une question importante. On a des linguistes, comme on disait, il y a des collaborations internationales pour voir quels sont les systèmes linguistiques, quels sont les systèmes de communication qui perdurent le plus longtemps, qui ont perduré le plus longtemps. En général, c'est plutôt des études où on revient sur le passé. Donc voilà, il y a des linguistes qui sont impliqués, mais encore une fois, vraisemblablement, c'est pas forcément les langues vivantes actuelles, ou en tout cas pas une seule langue vivante qui sera utilisée, voilà, c'est une piste, hein. On peut pas dire que ça soit l'anglais, le chinois, l'arabe ou le français qui seront la bonne solution. Ça peut être des langues mortes, ça peut être des signes aussi, ça peut être des dessins, ça peut être tout un tas de signes. Oui, et sur la signalétique, hein, ça pose aussi des problèmes ou des questions qu'on doit résoudre. Par exemple, si on prend un petit panneau où on pourrait imaginer une tête de mort pour signaler un danger, aujourd'hui c'est pris comme étant un danger, mais peut-être que dans 200 ans ce sera pris comme un signe d'intérêt. Genre, tiens, il y a peut-être un trésor caché ici, allons regarder. Donc voilà, il y a tout un tas d'études sur des signes intemporels. Avec un humain qui peut se prendre la tête entre ses mains pour signifier le danger. Enfin, voilà, il y a des recherches qui sont menées dans cette direction. D'accord. Il y avait toute une partie, je vous invite à aller voir, sur justement comment on peut se débarrasser des déchets radioactifs en utilisant la déformation de l'espace-temps. Il y a des questions, le temps que vous répondiez aux questions, il y a des questions qui sont arrivées, en fait, je les ai rajoutées. Je vais essayer les solutions loufoques, non, mais les solutions loufoques, voilà, on peut les faire, après ça sera fait. Il y en a eu plusieurs. Il y avait celle qui consistait à envoyer des déchets dans l'espace. Ouais. Donc là, ça pose le problème du danger déjà. On va dire qu'il y a un crash tous les 100 lancements. Donc ce serait. Et puis ça pose donc du danger et puis surtout du coût, hein, parce que envoyer une tonne dans l'espace, c'est très cher. Il vaut mieux la stocker sous terre. Il y avait mettre des déchets dans une zone de subduction. En attendant que la croûte terrestre passe sous l'autre et que ça finisse dans le magma, voilà. Là, ça pose des problèmes parce qu'il y a des volcans, hein, ça peut ressortir. Enfin, je sais. Voilà, il y avait aussi. Il faut trouver la personne qui sera d'accord pour aller les envoyer dans la zone de subduction. Voilà, je crois qu'il y avait des Russes qui voulaient utiliser justement la chaleur des déchets, on en parlait, des déchets d'achat. Donc, ça consistait à mettre des déchets dans une boule en tungstène, je crois, et de profiter de leur chaleur sur des dizaines d'années, les mettre en Antarctique et attendre que la boule fasse fondre la glace d'environ 1 mètre par jour et finisse par arriver 3000 mètres. Voilà. Donc, il y avait plein d'idées comme ça. La chatroom, ils sont partis de ces solutions-là et ils sont allés encore un peu plus loin. Donc, il y a eu comme proposition la déformation de l'espace-temps pour réduire le temps de diminution par deux de la radioactivité, pour faire en sorte que le temps passe plus vite pour les déchets que pour nous. Ça, c'est les solutions de Puyo, ça c'est signé. Voilà, alors en approchant la Terre d'un trou noir, tout ça, en balançant les déchets dans le soleil, il y a dans le trou noir, tout ça. Il y a plein de solutions très intéressantes. C'est pour ça qu'il y a la réversibilité durant toute la phase de remplissage du stockage. Si jamais dans 50, 70 ans, il y a quelque chose qui peut se concrétiser, on rencontre, il peut se passer quelque chose. Hein. Fabriquer un trou noir sur Terre, j'ai un peu du mal à y croire, mais pourquoi pas. Faut avoir la foi. Puyo qui proposait la solution de la bille ultra chaude de déchets qui s'enfonce petit à petit là. Il a proposé une amélioration en mettant deux dans des points diamétralement opposés de la Terre et avec des gros aimants pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc c'était les délires de la chatroom. Sinon, il y a quand même encore quelques vraies questions qui sont arrivées entre deux. Il y avait par exemple la question de la possibilité de détruire. Est-ce qu'il y a des études menées sur la destruction des déchets? Est-ce qu'il y aurait des choses possibles, envisageables comme ça? Je vois pas. A priori, j'y connais pas grand-chose, je vois pas bien. Non, malheureusement, les déchets peuvent pas disparaître par magie, quoi. Alors, l'avantage qu'on a quand même, enfin, si on veut, hein, mais les déchets radioactifs, effectivement, il y a quand même le principe de la décroissance et il n'y a que ça à faire, finalement, c'est de les mettre en sécurité le temps que le temps, via la décroissance radioactive, fasse son œuvre. Vraisemblablement, il y a des déchets qui sont des déchets chimiques hautement toxiques. J'y connais rien en chimie, hein, donc qui reste dangereux sans possibilité de faire baisser cette dangerosité dans le temps. Avec les déchets radioactifs, on a la décroissance radioactive. Alors pour les déchets de CIGEO, effectivement, on parle quand même de quasi l'éternité, mais effectivement, non, il n'y a pas de. Même si on espère qu'il y aura une solution ou que les gens trouvent, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour faire disparaître la radioactivité. C'est que le temps et le confinement qui vont permettre de les gérer, quoi. Sur la décroissance, pour compléter, il y avait quelque chose que j'avais pas dit quand j'avais donné les différentes périodes. Il existe des déchets à vie très courte, c'est-à-dire dont la période est de moins de 100 jours. Ça va être typiquement les déchets hospitaliers. Et ces déchets-là, ils vont être entreposés dans une salle spéciale dans l'hôpital. C'est des déchets qui servent pour des radionucléides qui servent pour des examens. Ils vont être entreposés là pendant plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois, ils sont renvoyés dans le circuit de traitement classique des déchets parce que leur radioactivité a disparu. Donc c'est une vraie. Enfin, il y a des temps longs, mais il y a des temps très courts aussi. Hein. Bon, il y avait une question plus personnelle, j'espère que vous ne l'apprendrez pas mal. Ce n'est pas moi qui la pose, hein. C'est Thibaut qui demande comment en êtes-vous arrivé à travailler pour l'ANDRA. Moi, ça me fait rire parce que je me pose parfois la question. Mais alors, on a des parcours très différents l'un de l'autre. Hein. Moi, je viens du milieu associatif. En l'occurrence, je travaillais dans l'humanitaire. Et comme je disais, j'avais jamais entendu parler ni des déchets, ni de la. Et en fait, par contre, j'avais envie de continuer à travailler sur des sujets de société. Et pour le coup, je suis servie. Et c'est très intéressant parce qu'avant, j'étais perçue comme étant chez les gentils. Et maintenant, je suis perçue comme étant chez les méchants. Or, la réalité, évidemment, est infiniment plus complexe. Et finalement. Ah bon ? En fait, ouais. En fait, ouais. C'est ni noir ni blanc. Et voilà. Moi, je trouve que, pour le coup, travailler, c'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet passionnant et sur lequel on a envie. En tout cas, il y a un vrai engagement à faire circuler le débat, quoi. Ouais, et en ce qui me concerne, donc effectivement, c'est un peu différent. Mais l'idée, c'est que j'ai commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je travaillais dans la communication déjà, mais je travaillais dans une agence de communication pour Microsoft. Et voilà, j'adhérais pas forcément à ce qu'on faisait. Ce qui m'a amené à démissionner, parce que pour être convaincant, il faut être convaincu, et je ne l'étais pas, hein, quand je devais rédiger des messages de promotion pour les nouveaux produits, etc. Donc voilà, j'ai démissionné, et puis j'ai cherché une entreprise plus citoyenne. Et à l'époque, j'ai trouvé un établissement public qui s'appelle l'IRSN, c'est l'Institut de Radioprotection et de Santé Nucléaire. Et puis 5 ans plus tard, je suis arrivé dans un autre établissement public, donc qui est l'ANDRA, qui est toujours en nucléaire. Et là-dedans, dans ce genre d'établissement qu'on appelle les EPIC, hein, établissements publics industriels à caractère commercial, je pense que ce que je dis vaut aussi pour l'ensemble des salariés qui y travaillent, cette volonté d'avoir un engagement citoyen dans son métier. C'est-à-dire qu'on travaille quand même au service de l'intérêt général. On n'est pas uniquement guidé par un intérêt commercial, même si on essaye de faire un stockage le plus économe possible. Le but, hein, c'est quand même la sûreté. D'abord la sûreté et toujours la sûreté. Et là, vraiment, moi, en tant qu'individu, hein, je m'épanouis dans ce type de mission. Ok, bah ouais, merci pour cette réponse. C'est bien de voir vos parcours. Ouais, c'est intéressant comme parcours, ouais. Ouais. Alors j'ai une question que je ne comprends pas, je vous la pose, on voit si ça vous dit quelque chose. Il y a Nabla qui dit sur régénération, le retour. Oui. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'elle parle de la génération 4. En fait, actuellement, on est à la génération 3, les REP, avec une déclinaison EPR. Et la génération 4, c'est des réacteurs nucléaires qui seraient capables de brûler... des déchets, enfin qui ne sont pas des déchets, qui sont des matières radioactives qui sont actuellement entreposées. Dans l'idée, en fait, ça produirait moins de déchets, mais ça en produirait toujours. Hein. On serait toujours confronté à ce problème du stockage profond de déchets de haute activité. Simplement, pour le même volume de déchets produits, on produirait beaucoup plus d'électricité, notamment. Ok. Voilà. Ce qu'on appelle les réacteurs de génération 4, c'est notamment celui de Crémalville, la Superphénix. C'était. C'était. Ouais. Mais bon, oui, c'est ça. Mais nous, enfin, on n'est pas des spécialistes hein, du nucléaire. Donc là, il ne faut pas trop pousser les questions dans cette direction. Il y avait une question pointue, là, justement. Zut. Le truc à la mode, c'est le réacteur à sel fondu de thorium, mais on ne cherche pas, on n'investit pas. Encore Nabla qui dit ça. Ah non, c'est Yves Farmon qui dit ça. Ouais, ça, c'est un coup d'Yves, ouais. Bon, il viendra nous expliquer lui-même. Mais ça, il faudrait inviter quelqu'un du CEA. Je crois pas qu'il cherche pas. Je pense qu'il cherche quand même. Bon, maintenant, après, c'est est-ce que le nucléaire a la cote ou pas. Encore une fois, hein, nous, c'est pas du coup, c'est pas notre question à l'Andra. Simplement, effectivement, dès qu'il y a de nouveaux projets à l'étude, nous, on va regarder quels déchets ils vont produire. C'est ça. ITER, par exemple, va produire des déchets radioactifs qui sont dans l'inventaire de CIGEO. L'EPR qu'on construit à Flamanville va produire des déchets radioactifs qui sont dans l'inventaire de CIGEO. Donc nous, dès qu'il y a un nouveau projet comme ça qui pourrait produire des déchets, à ce moment-là, on s'intéresse au projet, mais sous l'angle déchets qu'il va produire. C'est un peu la même problématique pour la transition énergétique, finalement. Effectivement, dépendamment des scénarios, on va avoir un impact différent en termes de déchets. Et c'est là où, on rejoint la problématique du nucléaire, c'est quel impact les choix qu'on va faire vont avoir sur la production de déchets. Nous, c'est vraiment notre angle et on n'en sort pas. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être accélérer sur les dernières questions ? Non, bah là, de toute façon, c'est globalement terminé. Il y avait une dernière question qui était sur quels sont les déchets les plus volumineux qui arrivent. Et j'ai entendu dire que ça venait essentiellement des services de radiologie des hôpitaux, disait Yves. Non, le plus gros volume aujourd'hui, c'est les déchets de très faible activité. C'est les déchets qui concernent tout ce qui est démantèlement des premières centrales, comme par exemple Brennilis en Bretagne ou Chaux là, dans les Ardennes. Donc là, on a énormément de tonnes de déchets radioactifs qui sont très, très faiblement radioactifs, qui sont conditionnés tout simplement dans des big bags, hein, des gros sacs de chantier, et qui vont dans les centres, le centre de stockage qu'on a en surface dans l'Aube. Donc effectivement, gros volume, faible dangerosité, petit volume, grosse dangerosité. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout des questions. Irène, j'ai oublié quelque chose ? Non, je suis d'accord. Ok, on a juste Nabla qui s'est indignée d'avoir été traitée de fille. Nabla est un garçon, on saura pour les prochaines fois. Bon, bah, formidable. Je signale en passant qu'on a eu quelques dessins absolument fabuleux de Puyo et de Inti dans la chatroom. Inti, un petit nouveau dans la chatroom qui nous a été envoyé par Mel et qui a un talent fou. J'espère qu'il viendra régulièrement parce que c'est vraiment excellent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder, Annabelle et Guillaume, ou on a fait le tour ? Non, renouveler notre invitation pour tous les gens que ça intéresse à regarder andra.fr, cigeo.com, déchetsradioactifs.com et pourquoi pas venir visiter nos centres, à la fois le labo et les centres de stockage de surface. Formidable. Et puis, bon, vous nous avez invité récemment quelques cafetiers des sciences à visiter le labo. C'était assez génial. Du coup, ça a donné quelques billets. Il y a Sirtin qui a pondu un billet. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Il en a profité pour nous montrer aussi des photos de ses chaussettes. Il y a Goulu, dont le billet répondra certainement à toutes les questions techniques qu'on peut se poser. Valentine, enfin, qui avait l'air de dessiner au lieu de prendre des notes, mais en fait, elle nous a pondu un billet d'une précision inouïe. Aucun détail ne lui a échappé. Et puis, vous pouvez retrouver aussi la vidéo que Benoît a tournée pour le compte du blog de Karim, Sweet Random Science. Donc, on vous mettra tous les liens. Et il est temps de passer au pitch de la rentrée. Donc, comme je l'ai dit en intro, c'est le dernier épisode de la saison. On va faire un petit break et on va se retrouver le 23 août pour un event au CERN organisé par notre ami Xavier Durussel. Pour le moment, on parle d'une visite de l'expérience LHCB le matin, d'une visite d'Alice l'après-midi et d'une soirée radio-dessinée pour conclure la journée. Mais tout est encore en gros chantier. On sait que le nombre de places sera limité pour les visites. Il sera infini pour la soirée, je dis ça pour énerver Robin. Donc manifestez-vous sans trop tarder si vous voulez être de la partie. Julie s'occupe de tout, il suffit de lui envoyer un petit mot à l'adresse podcastscience@gmail.com. Annabelle et Guillaume, vous êtes bien entendu les bienvenus. C'est gratuit, hein, vraiment. Ouais, bon, il faut juste vous rendre au CERN, à Genève. C'est prévu. Merci. Et ben voilà, ce sera l'occasion de passer un bon moment ensemble. David va faire le déplacement de Limerick, Julie viendra de Nice, Nico de Paris, et puis bon, c'est le CERN, quoi, qui à lui tout seul vaut le détour. Donc notez bien la date, ce sera notre épisode de la rentrée, le 23 août 2014. Ensuite, la quote de la semaine. Aïe, est-ce que je vous ai parlé de la tradition de la quote? Est-ce que vous savez que vous devez venir avec une petite citation en tant qu'invité? On a essayé de trouver, de déterrer une quote 30 secondes avant de commencer. Donc, c'est toujours sur cette question de la mémoire hein, qui est toujours sur un extrait du film Into Eternity, donc de Michael Madsen, que j'invite tout le monde à aller voir. Sur cette question de la mémoire à long terme, il a dit à un moment, les Finlandais, en fait, voulant... préférant plutôt finalement que les générations futures oublient le stockage, on dit... à un moment dans Into Eternity, il est dit donc qu'il faut se souvenir d'oublier, ce qui bien évidemment ne peut pas fonctionner. Et donc voilà, j'appelle à votre réflexion cette quote, se souvenir d'oublier. Ah bah, heureusement que c'est le dernier épisode de la saison, alors ouais. On a tout l'été pour méditer. Il faut se souvenir d'oublier. Mais ça m'inspire plein de trucs, mais je vais peut-être pas me lancer. On doit finir dans 8 minutes, il y a un match. C'est vrai ? Ouais. Ouais, moi j'ai surtout un apéro qui va commencer à être tardif. Allons bon. Good. Bon, rapidement, il y a Julie qui nous ressuscite le quiz, la rubrique et du quiz. Elle a proposé une question qui me ravit, donc je m'empresse de la présenter. Je vais commencer par une citation du Gorafi, journal très sérieux que j'espère tout le monde connaît, d'un article sur un fait effrayant d'un enfant hospitalisé après avoir mangé 5 fruits et légumes puisqu'il avait mangé 2 pastèques et 3 citrouilles dans la journée. Voilà, donc la question est, que penser de ces 5 fruits ou légumes par jour? Voilà. On va la formuler comme un quiz, hein. Donc il faut manger 5 fruits. Je te laisse faire. Ouais, il faut manger 5 fruits ou légumes par jour, info ou intox. Voilà. Donc vous avez jusqu'au 23 août pour répondre, par tous les canaux possibles, vous connaissez, par Twitter, on est Podcast Science, Facebook, Podcast Science, Google+, tout ça, vous nous trouvez, ou par mail, podcastscience@gmail.com. Puis quelques... Oui. Je peux intervenir quand même, parce qu'en fait, ce n'est pas exactement ce que les gens recommandent quand même, il faut reconnaître que c'est pas exactement. Ils recommandent de manger 5 fruits ou légumes par jour, mais autre chose aussi, non? C'est pas seulement 5 fruits ou légumes, non? Non, c'est pas seulement 5 fruits ou légumes, mais c'est au moins 5 fruits ou légumes par jour. C'est ça la recommandation qu'on entend tout le temps. D'accord. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il faut manger 5 fruits ou légumes? On sait que c'est faux, hein, par contre. Ouais, le graphie, c'est faux. Personne n'a dit qu'il fallait manger. Personne n'a dit qu'il fallait manger des pastèques et des citrouilles. Ok, un petit plug. Alors, un petit plug, pardon, j'ai changé de page. Un message qui est tombé dans notre boîte mail il y a quelques jours. Bonjour, je travaille pour l'association de médiation scientifique Paris-Montagne. Nous organisons un festival de sciences samedi 19 juillet 2014 à l'École normale supérieure de Paris de midi à 19h. Ce festival est gratuit et a pour but de faire aimer les sciences comme votre radio. Au programme, des animations scientifiques tenues par des chercheurs mais aussi par des lycéens passionnés de sciences. Une conférence, un spectacle et plein d'autres surprises. Nous essayons de toucher un public large. Podcast Science FM pourrait peut-être nous aider de ce côté-là en annonçant l'événement. Qu'en pensez-vous? Dans tous les cas, toute votre équipe est cordialement invitée à venir participer à ce festival. Pour plus d'informations, l'adresse du site. Et c'est donc Marie-Claire Mathéo. D'accord. Et puis l'adresse du site, c'est donc parismontagne.org/festival/édition-2014. Voilà. On le mettra surtout. Ouais, on le mettra. Paris-Montagne, j'ai pas très bien compris, c'est tout ce qui est relatif à la montagne ou ça n'a rien à voir hein. Paris-Montagne, en fait, c'est parce que ça se passe sur la montagne Sainte-Geneviève. D'accord. La montagne Sainte-Geneviève, on appelle ça une montagne, mais enfin, c'est pas. Ça, c'est le nom, quoi. Ouais, vu de Suisse, pardon. C'est tout relatif comme montagne. Non, mais puis c'est loin d'être le point culminant de Paris, enfin, je veux dire, c'est vraiment. Juste, ça s'appelle la montagne Sainte-Geneviève, donc c'est Paris-Montagne. D'accord. C'est là où il y a le Panthéon, c'est là où il y a les normales sup, c'est là où il y a les grands lycées parisiens, comme on dit. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien noté, c'est bien enregistré. Et puis du coup, là, dans 5 minutes, il y a match. Alors, on va vraiment conclure. La quatrième... C'est quoi le match? Attends, c'est qui joue hein? C'est Argentine-Pays-Bas. C'est bien parce qu'il il est hyper au courant. Mais ouais, je suis tellement au courant. 2 minutes avant le début de la mission. On était tous les deux à la masse, on savait même pas qu'il y avait un match. Bon, ah là là. Tu m'as cassé la baraque. J'avais l'air convaincant. Ok, bon, on va en rester là. Donc, la quatrième saison de Podcast Science se termine avec cet épisode. Saison inégale, mais extrêmement riche et intéressante. Depuis septembre 2013, on a produit 41 nouveaux épisodes en comptant celui-ci. Vous vous souvenez que j'avais fait mes adieux en cours de saison, et puis comme tout n'était pas tout à fait prêt aussi parce que j'étais quand même un petit peu accro, je ne suis jamais vraiment parti. Désormais, l'équipe est au point et moi, je suis en sevrage et j'ai vraiment envie d'avoir une vie. Alors, je vous annonce que vous m'entendrez beaucoup moins pendant la prochaine saison, pour de vrai cette fois. Je serai là pour les événements exceptionnels, bien sûr, les soirées radio de ciné, quelques interviews, mais je ne serai plus au rendez-vous chaque semaine. Je ne sais pas finalement si j'arriverai à m'occuper de la 200e comme je le voulais. C'est un projet un peu trop ambitieux sans doute, en trop peu de temps, mais ce n'est pas grave, ce sera pour la 300e. Je profite d'accaparer la parole pendant quelques secondes pour dire un immense merci à Julie et Nico qui font tourner la baraque, à David qui sera resté avec nous pendant 2 ans, qui aura apporté son éclairage particulier, sa perspective unique à notre petite communauté, à Robin, surtout ne change rien Robin, à Irène et ses interventions épatantes, Irène qui a déjà 2 dossiers dans les tuyaux pour la rentrée, des dossiers qui déchirent leur race. Merci à Pouillot pour ses dessins fabuleux, à Inti qui vient de nous rejoindre et qui fait des dessins fabuleux aussi, à Pascal qui nous fait des merveilles chaque semaine dans la chatroom, aux amis du podcast sans qui il ne serait pas pareil, je pense à Pierre Kerner, Xavier Durussel notamment et tous les autres. Merci à toutes les personnes qui soutiennent le podcast par leurs dons, par de la promo, par des messages qui nous font chaud au cœur. Merci à tous les invités de cette 4e saison, merci d'avance aux invités de la 5e, merci à nos poditeurs chéris et à l'ensemble de la communauté. On se retrouve le 23 août au CERN et d'ici là, un bel été à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Servir la chaîne de l'autre soir. Si ça, c'est pas la classe. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Franchement, t'as assuré, quoi. Hyper c'est, la classe. C'est une précision d'horloger suisse. Ouais, c'est ça. On est comme ça chez nous. Bon, bah voilà. Vous avez 2 minutes pour aller voir le match. Bon, bah les amis, vous allez me manquer. Okay. Ah bah oui, hein. Ouais. Bah oui, non, mais quand même, tu reviendras quand même. Tu dis tu reviendras pas, mais tu reviendras quand même. Ouais, moi, ouais. J'espère. Hein. Mais oui, moi, mais vous en faites pas, oui. Bien sûr. De toute façon, si tu fais le parasite comme moi, là, c'est bien parce que les gens me disent continue comme ça. Je fais des trucs au dernier moment, je fais jamais mes dossiers écrits, faut pas me dire ça, quoi. Je veux dire, c'est aberrant. On a eu des commentaires dans la chatroom de la part d'Yves. Hein. Yves, qui était venu nous présenter un dossier sur le nucléaire, enfin, il avait fait plein de trucs sur le nucléaire, puis chaque fois, il était réglé comme un métronome, il a livré ses dossiers en temps et en heure, tout était publié, tout ça. Il trouve qu'il y a du relâchement, que c'est le bordel, qu'en ce moment, il n'y a plus aucun dossier publié à temps. Voilà, je dis ça, je dis rien, Robin. Je sais pas pourquoi je dis oui à ce genre de conneries. Ouais. Bah voilà, change rien. Mon collègue de bureau, il a mis en référence à Achille Talon, il a mis sur son bureau un panneau non. Tu vois le truc ? Oui, mais je vois tellement la tête de Goscinny. Donc en fait, lui, il s'est mis ça un jour parce qu'il en avait marre de tous les gens qui lui demandaient des trucs et tout. Et là, dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu dans notre bureau et qui a mis du temps à comprendre. Et puis quand elle a compris, elle a fait. Mais Robin, il faudrait que tu te fasses ton panneau, oui, parce que... Ouais, vous avez vu le message d'Annabelle dans Skype ? Elle nous explique pourquoi elle a disparu subitement. Ils ont coupé le courant dans tout le bâtiment, je suis dans le noir, nous dit-elle. Ils sont allés voler les déchets dans le noir. Ah, je pense qu'à 22h, la lumière s'arrête. Tu vois, quand on travaille sur les déchets nucléaires, on essaye de faire des économies d'énergie, c'est logique. Bon, allez, ouais, je sens qu'on va se dire au revoir pendant 2 heures. Là, ouais. il faut qu'on y aille. Ouais, bah bon, ouais, mais alors moi, c'est... Bon, tu reviens régulièrement quand même, hein, sinon on va trop pleurer. Ouais. Et bon, là, de toute façon, on prend des vacances, donc bonnes vacances. Ouais, merci, ouais. Bonnes vacances à vous aussi. Bonnes vacances, moi je vous enverrai mes dossiers, mais vous n'êtes pas obligé de les lire tout de suite. Hein, mais, non, t'inquiète pas, j'ai pas le temps. Tac. Bon, bah, bonnes vacances alors, à bientôt. Très bonnes vacances. Ciao. Ciao, ciao.